Une heure de mix 100% rail. Rail Suprême. C'est seulement sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Bienvenue dans Rail Suprême. DJ Case est là comme chaque dimanche soir. Comment ça va, Case? Ça va, super. En pleine forme? Très, très bien. Bien, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Oh, tu es venu avec du renfort ce soir. On est venu avec un DZ. Ouais, un des DZ à Rio. Un soldat DZ. Un soldat DZ d'ailleurs qui porte son pays dans son nom. Dans son nom d'artiste. Ah, très bon indice. J'avais carrément oublié. C'est vrai? Attends, quand même. Et on est là, famille. L'Algérino est là de retour. Ben, en même temps, t'étais là cette semaine pour Monstre Marin, la Monster Party. Exactement. Et tu prolonges dimanche parce que c'est vrai que l'événement. Là... Tu es obligé en fait. Rail Suprême qui tombe juste après la qualification extraordinaire de l'Algérie. Juste pour souhaiter aussi un bon ramadan à tous ceux qui vont faire le ramadan. Donc voilà, un gros rail suprême ce soir. Donc gros rail suprême, c'est toi qui vas ambiancer l'Algérino? Yes. Avec une belle cette liste, c'est pas la première fois. On a l'habitude. Les deux ambianceurs sont là. Exact. Bon. Et ben on peut attaquer ou pas ce rail suprême, coup d'envoi? On va carrément attaquer avec l'hymne national du moment. Ah bah les DZ à Rio, mon allez, ami. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce rail suprême. Rail suprême. Avec DJ K sur Skyrock. Skyrock! chambre. Allez, on chante tous ensemble. Et mamma mia. كانت المرشا ريال واش بيك شيشه وما بيشه وتحليل معيشه ايوا لا لا لا لا لا لا لا لا va bien qu'arrête pas de danser اي شوفوا اللي بنيا اي دارت لي قضيه ايوا دي جي كاي فريد راي سوبريم لالجي اون اي لا sur Skyrock. Eywa DJ Kaizo Platine Minuit 1h Minuit 1h Rail Suprême mixé par DJ Kaizo sur Skyrock. Souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan, c'est correct. Yeah. Exclusivité Skyrock, nouveau titre, Inedji, Rimka, Rachid System Awards, big up pour tout le 9-4. C'est l'Alger, on est là avec DJ Kaiz et Fred, et Mikerim, Wesh Big, et dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. On se détend mon frérot, on monte le son. Anne Kerim. Eh ouais mec, c'est un mec. Laisse Jaya. Enfant du soleil au point de la terre. Tu veux savoir c'est quoi le Rachid System? Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. La vie est brouillée, c'est ça le Rachid System. Tu veux savoir c'est quoi le Rachid System? Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. Fais plaisir à tout le 9-4, c'est un mécanique sur Skyrock. Je fais du Delbouka sur un bidon en fer. Hey, en fond du bled se trouvent tous mes repères. Chez nous rien ne se perd, tout se récupère. J'essayais le soldier, tu sais bien je crains pas la foudre. On retourne à Cadillé, on fait griller du hood. Prépare-moi une soupe, une charge pas classique. C'est le système Rachid. En fond du soleil au fond de la paix. Tu veux savoir c'est quoi le Rachid System? Quand on a une solution à tous les problèmes. C'est une ceinture avec une ficelle. La vie est brouillée, c'est ça le Rachid System. Je veux savoir c'est quoi le Rachid System. Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. Un artiste peintre, j'ai grandi avec trois sous, j'aime les choses simples. Pour capter les chaînes du bled, il me faut un cintre. Pour me faire une antenne, Rachid System, fier et solidaire avec les gens que j'aime. Toujours fait en sorte voler de mes propres ailes. Quand tout est perdu, Rachid System Awards, Mikerim Zawania. Une fois dans l'ouest, un petit débrouillard. Je ne fais que mon devoir. Je ne suis qu'un débrouillard. Je vais te raconter mon histoire. Enfant du soleil au fond de la paix. Savoir c'est quoi le Rachid System. Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. La vie est brouillée, c'est ça le Rachid System. Je veux savoir c'est quoi le Rachid System. Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Kaiz, DJ Kaiz. C'est DJ Kaiz et l'Algérino ce soir en contrôle. De Rail Suprême pour donner de la force. Pour donner de la force. Toujours, frérot. Pendant cette Coupe du Monde 8ème demain à suivre. Hein. Ah, ça va être chaud. Avec l'équipe de France à 18h et les Fennec à 22h. Tout cru la Mannschaft. Ah, la Mannschaft. Faut qu'on l'explose la Mannschaft. Petit pronostic ou pas, Lagé? Tu vas te risquer au pronostic ou. Je vais me risquer à un pronostic. Je m'attends à une folie des DZ. Bon, ils sont pas donnés favoris. C'est l'Allemagne. C'est vrai, c'est une grosse équipe. Bon, et puis il y a une sorte de revanche aussi à voir. On n'a jamais perdu contre eux. Déjà, il faut le savoir. Et deuxièmement, ils sont arrangés avec l'Autriche à l'époque, là. Tu as vu? Et à cause de ça, on n'est pas passé. On avait une très, très belle équipe avec Bellomi et Majer. C'était la grande époque. Et là, on a une petite revanche. Et Laurent Courbis disait qu'il faut toujours se méfier de David contre Goliath. C'est donc, vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis là, quand tu vois les supporters dans le monde entier. Exactement. On est chaud. Attends. Franchement, c'est vraiment un public. C'est un public magnifique. Les Algériens, quand ils supportent leur équipe, ils sont à fond. Bon, après, tranquille, des fois, il faut se détendre aussi. Ah, mais il y a eu des scènes. Il faut faire attention. Mais bon, voilà, c'est la fête pour tout le monde. On est là, on s'amuse. Tu as l'Algérie en Coupe du Monde, tu as la France. on représente l'Afrique. Il y a le Nigeria aussi qui est là. Donc voilà, c'est la fête et il faut s'amuser quoi. C'est... Vous avez fait quoi d'ailleurs jeudi soir après le match? Moi j'étais à Barbès, c'était le feu. Lui c'est à Marseille qui était à Paris. Moi je suis parisien et j'étais à Marseille. Ah oui, Marseille. T'étais à Marseille. Ah, j'étais à Marseille, ouais. C'était exactement. Ouais. Et Marseille, il paraît que c'est chaud aussi. Grosse dédicace aux gens de Marseille. Ouais, grosse dédicace à Jiden Chicha, le Dubai Lunch. Il était là-bas, c'était la folie. Grosse dédicace aussi, Monte Cristo aussi de Marseille. Bon, bah en fait, la fête continue ce soir dans Rail Suprême. Yes, yes. À supporter les Fennec demain, 22h. Et l'équipe de France et l'équipe aussi. L'équipe de France aussi, bien sûr. À 18h. Enfin, ce serait bon en France-Algérie. Double fête, ouais, ce serait magnifique. Ce serait bien, bien sûr. Et c'est une grosse affiche. France-Algérie, c'est un gros match. Là, il y aura de l'émotion. Et quoi qu'il arrive. Ouais, en Coupe du Monde au Brésil, voilà, c'est une grosse affiche. Ouais. Exactement. Bon, bah, on suivra ça dans les heures qui viennent. Mais tranquille, d'abord, il faut exploser la Mannschaft. Voilà, la Mannschaft. Bon, là, c'est reparti pour Rail Suprême. Et on fera, alors, a priori, il n'y a pas de soirée, là, parce que comme le ramadan a commencé. Pendant le ramadan, non. Pour DJ Kaze, non, c'est. Pour DJ Kaze, ça va être un peu plus calme, là. Oui, là, c'est. Moi, par contre, j'ai des festivals, donc je vais être en Algérie. On va être à Alger, à Annaba, et on va être deux fois à Alger. On va être à Sidi Frej, on va être à côté de Bebezouar à Alger, et on va être à Annaba. Voilà. On va suivre l'actu de l'Algérino. Et sinon, tout le mois d'août, on est un peu de partout aussi. Encore Algérie, Maroc, on sera en Tunisie. Je serai même au Portugal, chez nos amis portugais. Partout, quoi. De partout. Artiste international. Tira les consoler un petit peu, nos amis portugais. Il y a des aides à Porto. Bon, on a. Les DJ juste Porto, avant de repartir sur une nouvelle session, on peut faire un point. Là, on écoutait le nouveau Rimka, ouais. Non, écoutez le nouveau Rimka. Avec Zawania, Rachid System Award. Donc, ça, c'est tout frais, tout nouveau. Ça vient de sortir. On s'est mis une grosse session Stifi. Yes. Avec notamment les DZ Ario, l'Algérino. Les DZ Ario qui est devenu l'hymne national en ce moment. C'est l'hymne national. Et il tournait partout à Barbès, dans les voitures, à Marseille. Les Desadario, quoi. Et là, on est parti au cours de l'émission. Hein, on va faire péter des sons des chants de supporters algériens. Allez, c'est reparti. Oh, sur Skyrock, Rail Suprême, DJ Kaze le 27 août. Aïe. Je suis bourré, toi et moi c'est pas pareil. Ils sont toujours en bande, dans la poche le grand arrêt. Poursuite entamée, ça tourne sur la bande arrêt. Je suis genouné, j'ai du mal à dire mi amor. Tout dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici c'est le 13, pourtant j'arrive qu'à couler ganté. Dans la pia, trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, hey, le 25 août, dans les bacs, DJ Kaze. La tête camouflée, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. Laisse la du compris sur les mains. Je viens préparer une courroie. Baby, habibi, j'ai les idées. En place, parfois je dérive. Hey, Paris, Oran, New York, Mix Party, DJ Kaze. J'ai bien faire un tour dans la ville. Me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit on va. Et toi, je suis perturbé. Je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupé. Je suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain. Allez, montre le son dans la voiture, on est là, c'est l'Alger Rail Suprême, frérot. DJ Kaze au platine. Je nous n'ai. concert au Hez. Les frérots préparent la chauffe, des gamelles d'air, top chef, big frappe de 30 mètres, comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, je donne toujours une petite pièce sur une plage. Moi, l'Espagne, je fais la sieste. On fera que les portes, on parle en code. Parlons euro, parlons business, parlons tout. Mais t'as vu le talent, je viens de là où ça parle galage. Perdu, je suis en décalage, fini riche dans un palace. Rime, gadoule, tente le son, tes genoux nés. Comme ce mec qui rote, sans cagoule pour fumer. Olé, man, tu es avec ma team sur panache. Je vis, je vois, j'ai mal pour oublier, je fume le crâne. DJ Guys, à toi, t'as la tête, même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotter. Baby, habibia, j'ai les idées en place, parfois je dérape. Trop de changements d'humeur dans mes attitudes. Je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. Je dirais que je suis dans la ville. Paris au Rhum, New York, mix party. C'est dans les bacs le 25 août. Soyez au rendez-vous, on soutient la famille. Et y va. Une envie de faire le. Et là on passe à un gros gros gros classique. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ce morceau il est lourd. Dossier classé avec Kader Japone. Et y va. Perrine des folies. واللي تخدع دوسك راسي On souhaite un bon ramadan à tout le monde. Cousine remue tes fesses. Sauver dans la musique. Mieux que de faire dans la cesse. Je suis avec des chawis, je suis avec des picus. Y'a ceux qui roulent en gamme, c'est ceux qui prennent le bus. Je cherche la petite bête pour sortir ce soir. Faut que je m'embrouille avec ma meuf, faut que j'aie pas une histoire. Y'a Riette qui m'attend, ça fait plus d'une heure. Raconte pas tes problèmes de cœur, je suis pas d'humeur. Ok, Njik à domicile. On est sur Rail Suprême, frérot. Monte le son à fond. Hey, ouah. Alors s'enchaîne classique sur classique. Reda Tagliani, va bene. Napoletano, le carahna y gare, khalli l'adiane gambole. Ça c'est le titre que j'écoute en boucle dans ma voiture, frérot. Monte le son. Napolitano. Lourd, lourd, Rail Suprême, frérot. العقلية الباتشينو تحيا الجزائر بابيني يا خوتي بابيني بابيني اصحاب الهضرة خاطيني بابيني يا خوتي On est bien, on est sur Skyrock Rail Suprême frérot C'est là le DJ au contrôle, on est là DJ Kaizo Platine Fred détendu qui écoute du rail, ça fait plaisir Aïe Encore un classique, il envoie que des classiques, DJ Case. Jana Haddad avec Cheb Khaled, Maraïda, Ewa. Notre ami Idir, il y a Youssef Chiker avec nous, on se régale. Et... Minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Attention, gros classico aussi. Yelbnia. Wesh Benny sur Skyrock, l'Algérino, on est là. Un son que tu as entendu de partout, c'était en exclu sur Skyrock. DJ Kaizo Platine, Fred, l'Alger, aïe. C'est le son des mariages, cortège en pana. Les racailles en dentier en 24 carats. cousine tu me cherches, je suis au cabaret de l'Estac avec Malo, Kassim, Jaco et Recta. Et les menaces. Et lui on fait voir toutes les couleurs la mine. Eh oui. Et toi prise ce soir je sors, j'dormirai chez un pote si elle m'ouvre pas la porte. Igleba. Wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny, wesh Danny. Allez monte le son dans la voiture, tu rêves pas, t'es sur Skyrock mon ami Rai Suprême. Ya wa Allah man wali shmaak. Un pur style style fi c'est l'Alger wesh Danny. Aywa alors mon ami j'ai oublié de te dire, il suffit pas d'avoir de la sape de Marseille. Demande à DJ K, SH Magnum et Maître Gims, il faut avoir du swag. Tu peux mettre 3000 euros sur toi de sable. Si tu n'as pas le swag, c'est mort. Je sais pas si tu vois, c'est évident, il te faut du swag. Du swag. Eh oui. Ça va pas comme un spoil. Ça prend des piges et des piges. José fait un outil au pied, mais tu ressembles à rien, frérot. Fais un effort. DJ K, dis-leur. Tu veux le swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. Pas remarqué, on est remarquable. H Magnum nous rattrape. Soit de la famille. Fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai pissé ma toile comme piqué. L'expliquer, c'est trop compliqué. Être chic, c'est pas l'échec. Et qu'est-ce que tu perds la tête? Mais au fait, quitter. T'aimerais que toi, il était sur la liste. Aïe. Sur la piste, tu bouges, mais t'as pas trouvé la louche. Ok, ok, t'as des louves, mais t'as pas le level. T'as mis un LV, putain. Et je sais pas d'avoir la sape. La sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Du swag. Eh oui. Ça fait pas comme un sport. Mais Guiwala no. Ça prend des piges et des piges. J'ai des sémis. Mais Guiwala, mais Guiwala. DJ Kyle. Mais c'est évident. Il faut du swag. Eh oui frérot, il faut du swag. Ça fait pas comme un sport. Ça prend des piges et des piges. Ça fait du hip hop. Tip top. Personne ne nous stoppe. C'est chic chat. Aïe. Pop. Frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. H Magnum, l'album qui arrive, il est très très très très, très lourd. Moi je repars en Kuna. Une pour ma masse de clichés, la famille Kuna. Zim Zima, encore un son de Kuna. Tu te prends la tête avec ton survêt. Paris, Oran, New York, mix party, c'est le 25 août dans les bacs. Ton jardin sans lacet. Je t'ai pas enlacé. J'ai toujours un plat de l'assiette. Je suis un bon commercial, hein. T'aimerais enlacer. Je vends bien. Faut pas d'avoir ta sape. Eh oui. Ou bien ta marque. On est sur Rai Suprême, frérot. Remarque, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag. Baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Du swag. J'ai testé. Faut pas d'avoir ta sape. De la sape ou bien ta marque. H Magnum, Maître Gim. Morceau de DJ Kais, Paris, Oran, New York, mix party le 25 août dans les bacs. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. D'ailleurs j'ai une paire de Tod's que je viens d'acheter, elle est lourde. Aïe, on est sur Rai Suprême frérot, DJ Kais au platine. Fred qui est en train de danser sur un morceau funk tranquille. C'est l'Alger sur Skyrock. Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Kays, DJ Kays. C'est DJ Kays au contrôle du swag, il est soigné Kays en plus. Ouais, oh, j'ai une paire de Tod's Kays. Je viens d'acheter une paire de Tod's, elle déchire sa mère. Ça va, il suffit pas d'avoir de la marque. Hein. Non mais je le sais, attends. Il faut le swag, il faut que ça aille avec. Il faut le swag, il faut une nouvelle coupe. Donc c'est bon, on a la sortie de Paris Euro New York. Donc c'est le 25 août. Ouais. 25 tout à l'heure, l'LG a dit 27 mais il était pressé. Non, j'ai dit le 25. Mais comme j'ai un petit défaut c'est de l'accent, langue, c'est, quoi, l'accent de... c'est un peu tout quoi. Okay. Un petit cheveu sur la langue. Un petit cheveu, ah, c'est un peu léger. Léger. Charmant. Chouïa. Donc le titre c'est du swag, c'est Kays avec H Magnum et Maître Gims. On s'est mis aussi Jnounet, donc dans le même projet. Et c'est Rimka et Jules et Diesel. Et on s'est mis Wesh Dani, on s'est mis les sons de l'Alger, bien ambiancé. Va bene Dreda Taliani. Là, que des gros titres sur ce coup-là. Et surtout, ça continue, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a encore une grosse demi-heure à passer ensemble. Oui. Une grosse demi-heure, il y en aura pour tout le monde. On est à la mi-temps, là. Ouais, là, on est à la mi-temps, on est en train de. Vas-y, rentre, chauffe, frérot, chauffe. Allez, on va pas tarder à rentrer, là. Voilà. Ah, voilà. Attention. Attention, attention. Attention, attention. Attention, ça va être la guerre. C'est DJ Case, DJ Case. L'Algérie en Coupe du Monde, une spéciale pour la Tunisie, le Maroc, le Maghreb uni, tous ensemble frérot, on fait la fête. C'est qu'il y a les Turcs qui nous soutiennent aussi. On va dire allez la France, allez les Bleus aussi. C'est correct, on est sur Rai Suprême frérot. Hey yo! Skyrock. On souhaite encore un bon ramadan à tout le monde. Comme toujours, ça va aller. On te met la grâce à vous. On est sur Skyrock, frérot. Aïe suprême. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie de ceci. C'est bien faire la folie. Magic System produit par Edouane avec Shawky. Aïe. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Gros classique encore. Wesh Heda. Fichatem Nes Maghreb. Pour tout le Maroc, on est là, c'est correct, c'est l'Algérie, on est sur Skyrock. Nes, Gaza, Meknes, Marrakech, Oujda, Willy Willy. Wesh Heda. Maghreb uni, frérot. Wesh Heda. Eywa. Grosse dédicace à mon meilleur ami, Ahmed Jaoui. Spécial pour tout le Maroc. Ahmed Jaoui, le prince des Méniques. Aïe. Sur Skyrock, frérot, Rail Suprême, grosse dédicace, Marseille, Moha, Eywa. Tatlouna bel'ain, khamsa fi aynikoum. Eywa. Bien entendu, les bronzés font du bif sur Skyrock, mon ami. Aïe. Les bronzés font du bif. Il suffit pas d'avoir du swag, il faut du bif aussi, mon ami. Bébé sur la côte de Miami Beach. Ma jolie, j'ai la côte, t'applaudis les nouveaux riches. On est calé dans le club. J'avais dans la piste, tranquille. Aïe. Reste tranquille. En France, c'est la crise, on investit dans les lingots. Bientôt, on se barre au bled, hasta luego, gringo. Bah, wow. Lève ton sky. J'fais danser la France, même sur du rail. J'compte les billets, mais tu peux. On est sur Rail Suprême, frérot. De l'épaule à la Syrie, la Nouna. Aïe. Pour des billets, tu vas te déshabiller. L'argent fait le bonheur. Et j'danse le mille à frais. Toz, Hogan, terrassé de près. Will. Les bronzés font du bif. Cite en Rita. Moi j'ai la plaque. Et toi la carte vitale. On a besoin des affaires. Yeah. Kilo de savoir-faire. Extrait de mon prochain album aussi qui arrive à la rentrée. Très lourd la famille. Aïe. Kilo de savoir-faire. On s'ambiance tranquillement sur Rail Suprême. C'est l'Algérino. DJ Kaizo Platine. Les bronzés font du bif. Aïe. Les bronzés font du bif. Avec DJ K sur Skyrock. Allez, encore un extrait de l'album de DJ K. Paris, Oran, New York, mix party dans les bacs le 25 août. Jules, Big Up, Khalif Hardcore, Big Up, Soso Manes, Kamikaze. Aïe. Bien entendu, grosse dédicace à Silly aussi. Paris, Oran, New York, mix party. Je suis venu pour péter les bacs, j'ai du rap, on entre partout, ça braque en banque. Faut des gros sacs pour le compte en banque. On est sur DJ Case, faut qu'on l'entende. Mes potes et moi, on veut voir la vie en banque. Je suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche en gros, j'ai changé mon déco. Je suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche en gros, j'ai changé mon déco. Et je me cherche en gros. J'ai changé mon décor, mon présent, dans ma tête c'est le décor. Donnez-moi quand peu, je m'en contente. Laissez-moi vivre dans mon béton fraîche. Femme, je te sors, t'es jamais contente. En plus devant les Paris aura New York, mix party dans les bacs le 25 août. DJ Kaiz, l'album lourd. Aïe! DJ Kaiz au platine, on est sur Aïe Suprême frérot, c'est l'Alger, un petit classique marocain aussi, Team Maghreb Uni, on est sur Aïe Suprême sur Sky. Youssef Shaker qui est en train de nous faire une danse des épaules. Elle te plaît cette musique Youssef hein? Spécial pour Nef Oujda. Dédicace à gros yeux le Garden. C'est DJ Kaiz, DJ Kaiz. C'est DJ Kaiz et ce soir l'Algérino qui est là. Et qui on est là, on est là. Les sons qu'on a pu écouter à l'instant, gros son festif. Hein. On se régale, on passe. On a tout mis du Kaiz, on passe du bon temps. Du Ryan Bill, de tout mélanger là. Azoul. Là, tu nous as fait une chouchouka de je sais pas d'où. Chouchouka d'un peu partout. D'un peu partout. Un peu partout. Ce que je vais manger demain soir. Mais attention. Je te conseillerais de faire comme les Marocains, commencer par le sucré, c'est très bon pour l'estomac. Moi je conseille aux Allemands aussi d'aller sur la chouchouka juste avant le match demain. Exactement, c'est... manger un peu de chouchouka ça leur fera du bien. Ça peut avoir juste avant on le leur match. Prépare une grosse chouchouka. Ouais, la Mannschaft. Ça peut être pas mal. Demain c'est match de foot avec la France qui joue à 18h. Yes. L'Algérie face à l'Allemagne à 22h. Tout ça à suivre sur Skyrock évidemment. Qu'est-ce qui se passe, Kaiz? Il est chaud. Quoi qu'il y a des platines en face de Il est chaud, il est chaud. Ah, il est bouillant, Kaiz. Eh ben, on continue. J'ai bien aimé ta petite session, Kabil. Pas mal. T'as essayé, je l'adore, c'est bien. On a mis les tubes Kabil. Là. Et ben là, on part sur quoi sur Sky, on part sur l'Orchestre National de Barbès. Oh là là, ah, ça classique. C'est mon moment. Attention, attention, monte le son, frérot. C'est un endroit très magique en ce moment. Ah bah là. Allez, c'est parti. Skyrock, Rail Suprême. Oui, c'est DJ Kaiz. L'Orchestre National de Barbès sur Skyrock, Rail Suprême. Et là tout de suite c'est la folie dans les studios de Skyrock, ça danse, c'est chaud, allez, allez, allez. C'est l'Alger, on est sur Skyrock mon poteau. Je vais au magasin. C'est Rail Suprême, frérot. Tu rêves pas, monte le son. C'est correct, on est là. DJ Kai, Vlal J, Fred, aïe. Ça y est, il est parti, Youssef. On n'arrive plus à le retenir, il arrête plus. Et ça scratch, allez. Bonsoir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. DJ Kai n'a pas perdu la mer, ce que je vois. Et de le papi chat. Hey, on repart à Montreal et puis pour le coup. La classe, boya. Lui, il a pas du swag, il a la classe. Hey, Nes Santina, Bibi Maestro. Hey, what? Chef Khaled sur Skyrock. يا كل شي كيفك وقت الزينة معطر كل شي بلا قريب عيلة من الصبر يا رامي كاتلو يا يا مع بنات اليوم والله صيد روا ايوا يعشقوا ويبطلوا يبغوا ينيفوا Sera le suprême, DJ Kaizo Platine, Fred qui s'ambiance tranquillement, l'Algérino, on est là. Gros classique, Rena Taliani, Joséphine. On est sur Rail Suprême, frérot. Dédicace à tous les gens qui font avancer le mouvement Rail, qui kiffent le Rail. Reda Taliani. خبر البوليسية قال عبد ماشينا وانقذ روحي قبال يا ما جوزيفين جوزيفين ايوا يسوالح يولك ودي روح الضامية الرومية الرومية وقابلتي فيا عطيني قابلك ولك ودي روح الضامية غير تالياني Suprême en direct sur Skyrock. Inédit, DJ Snake, Gay Claw. Et oui, on est sur Rail Suprême, frérot. Même DJ Snake, il fait de la musique orientale maintenant. Ils sont tous contaminés. C'est contagieux, faites attention. J'ai l'impression qu'il s'est inspiré de l'Orchestre National de Barbès. Lourd, Rail Suprême. Eywa Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Aïe. Un son de genouné. On en profite pour dire que Paris Oran, New York Mix Party, c'est dans les bacs le 25 août, album de DJ Kaiz. Aïe. Moment solennel. On est sur Rail Suprême. DJ Kaiz au platine, l'Algérino. Attention, gros classique. Du lourd. Guitare de malade. Les Algériens sont des artistes à part entière. Aïe. يا زينة يا زينة ماليش عليك الاخر ودوني عينيك يا زينة ولا لا ولا قطع du très très très lourd sur Skyrock Rail Suprême frérot. تحية الجزائر Rai Suprême spécial, l'Algérie en Coupe du Monde. Spécial pour le Maghreb uni, Maroc, Tunisie, on est ensemble frérot. Dédicace à nos amis turcs, Ismet. Eywa. Yezina. C'est Raina Rai, Zina Diri Latei. Skyrock, Rai Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Et c'est presque... un sacrifice de couper ce morceau. Grave, un sacrilège. Un sacrilège. Je voulais pas le couper, mais. Bon, promis, on le mettra en entier. Mais c'est... Moi, j'adore ce morceau. Je compte sur vous. Le prochain Rai Suprême, je l'écoute. Raina Rai. On l'a mis en entier. Raina Rai. C'est un long morceau en plus. Il est long, celui-là. Tu sais, dans le Rai, il n'y a que des longs morceaux de 8 minutes, 7 minutes. Tellement il s'enjaille, il se régale, il laisse couler. Mais c'est bien ça, il n'y a pas de format au moins. C'est vrai que ce morceau, il est incroyable. C'est un vieux morceau, celui-ci. C'est classique de chez classique, celui-ci, Raina Rai. Très vieux, il n'a pas pris une ride. Je sais pas si tu ressens la guitare, mais il s'est passé des choses sur cette guitare. Ouais, tu sens que. Tu sens que le mec, il était possédé quand il a joué. Il y a eu un truc. Il était genouné. Bon, on a passé une bonne heure ensemble en tout cas. Très bien. Grave. Merci bon Lalger d'avoir endossé ce Rai Suprême avec DJ Case au platine. En plein mois de Ramadan. Ouais, toujours un grand moment pour moi de venir à Rai Suprême. Je me régale, c'est une musique que je kiffe, le Rai. Bon, moi, ma spécialité c'est le rap, mais j'aime bien cette musique-là. Ouais, oui. On fait beaucoup de connexions et voilà, quand il faut supporter, on est là. On donne de la force au frérot Kaiz. Fred, on est là, Rai Suprême, faut continuer, c'est lourd. Bon, merci Lalger. On rappelle que l'actu de Lalger, c'est la sortie de la Monster Party demain. Ouais. Enfin là, maintenant, quoi, tout de suite. On est lundi. Télécharger sur iTunes, il y a un gros titre dedans qui s'appelle D'Amberge, d'ailleurs, que je vais envoyer demain à 18h. C'est un titre très lourd, il faut l'écouter, il s'appelle D'Amberge. Donc je compte sur vous, c'est à 18h demain. Il y a le Ça va aller, il y a le Ça va aller aussi. Et il y a l'album qui arrive, un album très très lourd qui arrive à la rentrée. C'est pas pour me la péter, mais celui-là il est très lourd. D'ailleurs, sur ton album, j'ai posé un titre qui est aussi très très lourd. Paris au New York qui arrive le 25 août. Exact, ouais, donc j'ai posé un titre et ça va faire plaisir à tout le monde, et spécialement aussi pour les Turcs. Ok, et bon, on suivra ça. Merci Case, la semaine prochaine de retour. Donc on l'a dit, évidemment, cette semaine, pas de soirée. Pendant l'Ramadan. Par contre, au mois d'août, ça va être la folie. Il va se rattraper de tout le mois de Ramadan. on va reprendre des forces pendant Ramadan. Et sinon, le dimanche soir, t'es là. C'est ça. Contre les nuits. Yes. Moi, je serai en festival Alger, Sidi Frej. On sera aussi à Bebezouart, au Hilton. On sera aussi à Annaba pendant le Ramadan. Et au mois d'août, c'est parti. Algérie, voilà. Tunisie, Maroc, Portugal. On est au Canada aussi. On est partout. On est en France aussi. Donc. Artiste international, on vous donnera toutes les informations sur mon Facebook et sur mon Twitter. Merci en tout cas Lalger, merci Case. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Passez une bonne soirée, rap, R&B non-stop, ça continue. Et puis évidemment, bonne chance à l'équipe de France, à l'équipe d'Algérie demain, enfin tout à l'heure là. 18h et 22h, les matchs à suivre évidemment sur Skyrock. Ciao.